Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Loulipo, ou l'art de jouer et de s'amuser avec les mots. Dans le Bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir. Or nous, nous voudrions faire de la littérature non jourdainienne, nous voulons faire de la prose ou de la poésie en le sachant. Et en sachant quelles règles on utilise, en inventant des règles. Georges Perec, adepte célèbre de Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle à l'émission La vie quotidienne en 1979. Créée en 1960, Loulipo réunit une joyeuse bande d'auteurs qui ont décidé d'inventer, pour le plaisir de jouer avec les mots, une langue nouvelle qui repose sur toute une série de règles contraignantes auxquelles ils ont volontairement accepté de s'astreindre dans leur processus d'écriture. Le résultat est étonnant et la plupart du temps assez jouissif pour celui ou celle qui s'intéresse justement à la langue et aux mots. Nous allons vous lire les 35 variations sur un thème de Marcel Proust qui font une sorte d'inventaire des manipulations que les oulipiens peuvent faire subir à une phrase. Donc cette phrase, la voici, 00 texte souche, longtemps je me suis couché de bonne heure. Épinthèse. L'épinthèse, c'est quand on ajoute une lettre. Longtemps, je me suis coluché de bonne heure. 12. Négation. Longtemps, je ne me suis pas couché de bonne heure. 13. Insistance. Pendant longtemps, pendant très longtemps, pendant très très très longtemps, oui, moi, je me suis couché. Je suis allé au lit, quoi, de très bonne heure. De très très très bonne heure. Vraiment de très très très bonne heure. 14. Ablation, donc suppression d'un des termes de la phrase. Je me suis couché de bonne heure. Ablation autre. Longtemps, je me suis couché. Double ablation. Je me suis couché. Triple ablation. Triple contresens. Jadis, j'acceptais de perdre le match à l'aube. 18. Autre point de vue. Marcel, au lit. Le 22 novembre 2012, les membres de Loulipo rendent hommage à Georges Perec sur scène à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort en 1982. Pour nous raconter l'histoire de cette folle aventure de Loulipo, je reçois Richard Boivin, qui a été professeur de littérature, de bande dessinée, de cinéma pendant une trentaine d'années au cégep de Chicoutimi. Richard Boivin, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. C'est assez jouissif, ce qu'on vient d'entendre, et ça donne surtout une très bonne idée de ce dont on va parler aujourd'hui. Vous le situez où, ce mouvement? Enfin, ils veulent pas qu'on parle d'un mouvement, mais cette drôle de bibitte, hein, disons ça comme ça, qui est Loulipo, vous situez ça où dans l'histoire de la littérature au 20e siècle, Richard? Alors, il faut attendre vers 1960 pour que Loulipo comme tel apparaisse, mais il y a des racines qui remontent quelques années auparavant. Il faut remonter aux racines de la pataphysique, cette drôle de patente inventée par Alfred Jarry, l'auteur du Burroi, donc qu'on date 1873, décédé en 1907. La pataphysique, qu'est-ce que c'est? C'est la science des solutions imaginaires. Il y a des auteurs et des scientifiques qui se sont mis à adopter cette philosophie-là. C'est d'inventer des solutions à des problèmes qui existent ou pas, et les solutions sont possibles ou non. Et comme c'était à la fois des littéraires et des scientifiques qui participaient à ce mouvement de la pataphysique, ils ont fondé le Collège de pataphysique, et Loulipo est une sous-commission du Collège de pataphysique, d'accord? Donc, qui sont nés. Mais ça là, écoutez, c'était une gang de tripeux, là, passez-moi le terme, parce que ça veut dire que c'est Queneau, ça veut dire que c'est Arabal, que ça veut dire que c'est Jacques Prévert, oui. Boris Vian, etc. C'est vraiment là, des grands esprits de la littérature et des scientifiques dont on se souvient moins, parce qu'ils sont peut-être moins célèbres, mais quand même. Et on comprend, ben, c'est l'époque, il y a cette mouvance à ce moment-là, mais en même temps, puis on y reviendra un peu plus tard. Ce mouvement-là, il continue d'exister, Loulipo. Donc, naissance de Loulipo comme tel en 1960. Qui est derrière la création de Loulipo? Au départ, deux pataphysiciens, l'un est écrivain féru en mathématiques, l'autre est mathématicien fou de littérature, c'est Raymond Queneau et François Le Lyonnais, qui ont déjà préparé le terrain avant d'arriver à la création comme telle de la structure de l'Oulipo en 1960. Bon, c'est pas un club ouvert, c'est des clubs sur invitation. Mm-hmm. Et ils vont donc avoir parmi leurs co-signataires Noël Arnaud, Marcel Duchamp, etc. Là, oui. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, Richard Boivin? Qu'est-ce qu'ils cherchent en créant ce fameux Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle? En fait, ce qu'ils veulent, c'est défier l'inspiration. Pour eux, c'est comme si, en travaillant de manière absolument systématique, avec des règles de création, on n'a plus besoin de l'inspiration, en fait. En fait, aucun membre de l'Oulipo ne croit à l'inspiration. Et à partir du moment où on se met à travailler sur un thème selon des contraintes qui sont très, très précises, bien, en travaillant sur ce matériel-là, forcément que l'inspiration vient. Oui. La contrainte comme levier, comme tremplin pour l'inspiration. Tout à fait. Donc, ouais. Ils inventent des structures, des formes, des contraintes nouvelles susceptibles de permettre la production d'œuvres originales. Et là, je cite le texte officiel de l'Oulipo. Et en plus, ils travaillent sur des œuvres littéraires passées mm-hmm. pour voir s'il n'y a pas des traces oulipiennes dans ce qui s'est déjà fait auparavant. Oui, des oulipiens sans le savoir. Oui, absolument. Des pré-oulipiens. Oui, voilà. On va écouter tout de suite un exemple de ce que ça peut donner, un exercice oulipien. Et ce qu'on va entendre, c'est une version revue et corrigée de la cigale et la fourmi. La simèze, ayant chaponné tout l'éternueur, se tuba fort dépurative quand la bixacée fut verdie. Pas un sexué pétrographique morio de moufette ou de véra. Elle alla crocher frange, chez la fraction sa volcanique, la processionnant de l'uprimé, quelques gramènes pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire. « Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, avant l'apanage, folâtrerie d'anamite, interlocutoire et priodonte. » La fraction n'est pas prévisible. C'est là son moléculaire défi. « Que feriez-vous au tendon cher, discorda-t-elle, à cette énarthrose ?»« D'incupation et joyau à tout vendeur, je chaponnais, ne vous déploie. »« Vous chaponniez. J'en suis fort à la vente. Eh bien... » Débagouler maintenant. La cigale et la fourmi qui devient donc La simèze et la fraction, un texte de Raymond Queneau lu par André Tardy. Évidemment, on reconnaît la musique de La cigale et de la fourmi, Richard Boivin. Pour bien apprécier cette variation, il faut connaître l'original. Mais ça nous donne une idée, cet exercice qu'on vient d'entendre, de ce que fait l'Oulipo. Quel genre de contraintes il s'impose des oulipiens et à quel genre d'exercice il s'adonne? L'Oulipo, ça signifie ouvroir de littérature potentielle, d'accord? Alors, ils ont créé un ouvrage où sont élaborées près de 1000 règles de contraintes d'écriture, d'accord? Et ce qu'on vient d'entendre, c'est probablement la plus facile et la plus populaire, qui avait d'ailleurs été inventée avant la création de l'Oulipo comme telle. C'est ce qu'on appelle le S+7, qui est devenu après le S+N. Le but, c'est de prendre un texte de base, un texte de départ, et de changer chacun des noms par le, si on dit plus 7, donc par le septième nom qui le suit dans le dictionnaire. Hmm. Si c'est un verbe, donc le septième verbe le plus loin, et si c'est un adjectif, le septième plus loin, on remanie le texte pour que tout soit bien accordé, et ça donne ça. C'est sûr que si on prend une structure qui est extrêmement connue par tout le monde, on va reconnaître le texte de base comme ça. Comme si je vous dis, quand je m'alanguis une fois, je m'alanguis pour toujours... Ben, on va reconnaître la chanson de Desjardins là-dessous. Hein? Oui. Quand j'aime une fois, j'aime pas toujours. Ouais. Voilà. Donc, c'est un jeu qu'on peut faire chez soi, là, sans faire de mal à personne. On prend un texte qu'on aime bien. Si on a des amis, on peut varier aussi, faire le S+7. Mais moi, je vais faire le S+3 et vous allez faire le S-3, par exemple. Et on va comparer nos textes pour voir s'il y a des consonances, des sens qui se dégagent. Oui. Ça, c'est probablement la plus facile à faire. Mais il y en a plein d'autres. Ça, c'est un des plus de 1000 exercices. Oui. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut reconnaître un texte de l'Oulipo? Est-ce qu'on peut même, à certains égards, carrément parler d'une langue Oulipo, Richard Boivin? C'est de la langue française. Oui. C'est surtout de la littérature française, en fait. C'est sûr que quand on entend un texte comme ça, on pourrait penser que c'est issu du surréalisme. Tu sais, oui. La terre est bleue comme une orange, des lueurs, là, ça peut donner des fois des images qui sont un peu extravagantes ou sur lesquelles on perd pied facilement. Ou encore certains textes comme ceux de Gauvreau en Exploréen, par exemple, qui peuvent être choquants. Et il y a des textes oulipiens qui ont des textes de départ, comme l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure dans l'enregistrement. On avait un texte de départ, c'était celui de Proust, la phrase de Proust. Bon, des fois, on travaille sur un texte de départ, mais des fois, on travaille sur un texte de pas de départ du tout, là. Et un exemple que je vous donne, un texte en lipogramme, par exemple, d'accord? Alors, c'est un texte qu'on écrit totalement librement, où on affecte de ne pas utiliser une lettre ou une autre. Mm-hmm. D'accord? Alors, je vais m'acharner, par exemple, à écrire un texte où n'apparaîtra pas la lettre A, où n'apparaîtra pas la lettre N, juste pour le plaisir comme ça. Et c'est pas si simple. Ouais. Je vous jure, c'est pas si simple. On peut pousser l'hypogramme jusqu'au bout pour aller sur ce qu'on appelle le monovocalisme, c'est-à-dire écrire un texte avec une seule voyelle. Et ça, c'est compliqué, je vous jure. Ouais. Ben, l'exemple, puisque vous parlez d'hypogramme, l'exemple le plus célèbre, c'est probablement le texte La disparition, qui est un long texte là, de Georges Perec, qu'il publie, c'est un livre, en fait, qu'il publie en 1969, où il n'y a aucun « e » imaginé. Et on l'écoute parler de ce livre très particulier au micro d'Andréane Lafont à l'émission La vie quotidienne en 1979. Et Georges Perec, vous allez m'expliquer comment on peut écrire tout un livre qui s'appelle La disparition en n'utilisant pas la voyelle E. Ah ben. Ça, ça ne doit pas être facile. C'est beaucoup plus facile. C'est exactement la démonstration de ce qu'il y a de fructueux, pour moi en tout cas, dans l'Oulipo. Évidemment, c'est parti d'un pari. C'est parti d'un pari. C'est qu'un jour, on a dit non, on ne peut pas écrire un roman entier sans E. En anglais, ça a l'air un peu plus facile qu'en français. En français, on dit non, on peut pas écrire sans E, en se passant de la voyelle, on peut pas dire trois mots de suite. Et puis on dit, bon, ben, on va quand même essayer. Et alors, par exemple, à ce moment-là, on s'aperçoit que nous n'irons plus au bois, il n'y a pas de E dedans. Et c'est là, on trouve un déclic. Il avait faim, il avait soif, il avait bu, et pas il avait mangé. Alors, bon, donc il va falloir tourner. Autour, alors, au lieu de dire « il avait mangé », on peut dire « il baffra », ou « il boulotta », ou « il avala ». Il avala du pain, du salami, du thon, etc. On s'aperçoit qu'on peut, à travers, on va avoir un système complètement impossible, mais avec, on va faire un peu du slalom entre les mots, et on va raconter une histoire qui va raconter cette disparition une espèce de roman policier dont le coupable serait une lettre de l'alphabet. Ça, c'est assez extraordinaire comme extrait. Quelle importance il a, cet ouvrage de Georges Perec, La disparition, Richard Boivin, dans l'histoire de l'Oulipo, et plus largement Perec lui-même? C'est un fou, je vous jure. C'est 300 pages, La disparition. C'est pas un petit texte, là. C'est énorme. On peut pas faire autre chose que... ça suscite l'admiration d'arriver avec un tel ouvrage. Vous voyez comment il explique. Dire, bon, manger, je peux pas, mais comment je peux dire manger autrement? Il s'est posé ces questions-là pendant 300 pages en racontant quelque chose, en plus. Oui. Ça a du sens. Oui. Perec était un véritable orfèvre. Il a vraiment beaucoup travaillé sur des contraintes complètement folles. Bon, il a fait La disparition en 69. En 72, il a fait Les revenantes, qui est le procédé contraire. C'est un monovocalisme en E. Il y en avait pas du tout dans La disparition, mais il y a que ça dans Les revenantes. Il a fait La vie mode d'emploi en 1978, où là, ce n'est pas tant la forme qui est convoquée dans ce roman, mais c'est plutôt la structure. Il va prendre un bloc appartement avec plusieurs habitants, et il va décrire chacun de ces habitants-là et les personnes qui le fréquentent, il va faire 99 textes, précisément, qui vont tourner autour de ces personnages-là. Il va faire le célèbre monovocalisme What a Man, donc What a Man, seulement avec des A. Bon, c'est un texte qui est assez court, mais croyez-moi, c'est très difficile à écrire un monovocalisme. Il a écrit aussi le plus long palindrome jusqu'à pas si longtemps. Là. Un palindrome, vous savez ce que c'est, non, rappelez-nous M. ça. Bouchard? C'est un peu loin dans Un palindrome, c'est un mot qui se lit dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y a des mots naturels qui se lisent comme ça. Radar, par exemple, on inverse, ça le fait. T'sais. Rêver, donc ça le fait également. Mais il y a des mots... donc ça, c'est le même mot qu'on lit d'un sens comme dans l'autre, mais il y a des mots qui se lisent, et c'est un mot différent, comme par exemple « trace » se lit « écart » dans l'autre sens. « Amor » se lit « Roma » dans l'autre sens. OK? Puis là, on peut aller dans des phrases un petit peu plus complexes, comme « élu par cette crapule ». Oui. Si vous l'inversez, ça fait exactement la même chose. Huh. Il a fait un palindrome de 1247 mots. Incroyable. Vous vous rendez compte, c'est quatre pages où il y a un point central et les mots se déploient à l'endroit et à l'envers à partir de ce point central. C'est complètement fou. Ouais. Donc, Perec, évidemment, c'est l'un des très, très célèbres oulipiens, mais il y en a d'autres. Qui sont les quelques grandes figures de l'Oulipo, Richard Boivin? On ne peut pas passer à côté de Raymond Queneau, le fondateur qui a, avant même la création de l'Oulipo comme tel, a fait les célèbres exercices de style, mais on le connaît également pour avoir écrit Zazie dans le métro, pour avoir ce qu'on entendait tout à l'heure, la cigale et la fourmi, la simèse et la fraction, c'est à lui qu'on le doit. Il a fait quelque chose d'absolument prodigieux en 1961. Ça s'appelle 100 000 milliards de poèmes. Oui, 100 000 milliards de poèmes en 1961. Imaginez, c'est un livre-objet où il y a 10 sonnets. Donc, un sonnet, là, c'est un bloc de 4 vers, un bloc de 4 vers, un bloc de 3, un bloc de 3. Ce sont des vers de 12 pieds qui riment selon une mécanique qui est extrêmement précise. Donc, on imagine 4 feuilles qui sont découpées en languettes et ça permet à ce moment-là au lecteur de faire son propre poème parce que tout est organisé pour que ça rime de la bonne façon. Donc, vous pouvez prendre le premier vers du feuillet 1, le deuxième vers du feuillet 8, le troisième du feuillet 3, etc., pour créer votre propre sonnet. Okay? Puis quand on dit 100 000 milliards de poèmes, c'est vraiment ces 10 à la 14. C'est une potentialité qui est énorme. Oui. Il y avait... Bon, les ordinateurs, à ce moment... Ça peut se faire par ordinateur maintenant. D'ailleurs, il y a un site que je vais vous conseiller peut-être éventuellement. En plus, ce sont des poèmes palindromes qu'on peut faire générer par l'ordinateur. C'est complètement dingue. Mais lui, il le fait à la mitaine, si on veut. Oui. Bon, on a parlé de Perec, on a parlé de Queneau, on a parlé de Le Lyonnais. Que des Français pour l'instant. Est-ce que cet esprit oulipo va traverser les frontières de l'Hexagone? Ah oui, en fait, il y a des chapitres internationaux. On peut parler de Buenos Aires, de Milan, de Rome, de Londres. En fait, il y en a un peu partout, tout le tour de la planète. Il y en a même au Québec. Il y a une académie québécoise de pataphysique, mais la pataphysique, on l'a vu tout à l'heure, il y a une sous-commission oulipienne, forcément. Donc, l'écrivaine Lynn McMurray, qui l'a fondée au Québec en 1989, qui a collaboré d'ailleurs à l'Oulipo Show du Théâtre Ubu. Il y a Raoul Duguay qui fait partie du groupe... etc. Oui. Donc, ça a vraiment parcouru la planète. Il y a un Italien aussi qui sera parmi les grosses, grosses pointures de l'Oulipo. Italo Calvino, qui a écrit un roman absolument formidable, C'est par une nuit d'hiver, un voyageur en 1979, que j'ai relu dernièrement d'ailleurs avec un plaisir incroyable. C'est cette histoire où le lecteur est amené à la recherche du premier chapitre d'un roman qui s'appelle C'est par une nuit d'hiver, un voyageur. C'est savoureux. Oui. Bon, avec le temps, l'Oulipo va faire des petits dans d'autres disciplines. discipline de la littérature. Parlez-moi de ça. Je sais que vous vous intéressiez beaucoup à la bande dessinée. Ça, c'est un des exemples, pas là. Enfin, il y a différentes ramifications. Là. Le Lipo va faire son chemin dans différentes disciplines, Richard Boivin. Ah oui, Loupimpo, Loutrapo, Loubapo, donc l'ouvroir de peinture potentielle, de tragicomédie potentielle, de bande dessinée potentielle. Tout est possible. Hein? Il suffit d'être un groupe de créateurs et de dire « nous créons sous tel, à partir de telles contraintes ». Je vous donne un exemple. En bande dessinée, les frères Suiten ont fait Nogégon en 1990, une bande dessinée qui est vraiment en palindrome. C'est absolument incroyable. Et au cinéma, on a vu dernièrement le dernier film de Christopher Nolan qui s'intitule Tenet. Tenet est lui-même un palindrome où dans l'histoire, il y a comme un cheminement temporel qui relève aussi du palindrome. Donc, c'est extrêmement vivant dans les arts actuels. Vous parlez du cinéma. En préparant l'émission, je pensais à ces cinéastes du Dogme 95. Qui se sont donné des contraintes, des règles aussi dans leur façon de réaliser des films. Est-ce que c'est une manière pour vous d'exercer sous l'hypien? Oui, forcément. Quand il est question de contraintes dans la création, on va parler de cousinage oulipien. De la même manière, je repensais aussi à la création à laquelle on assiste dans certaines universités québécoises, des groupes d'étudiants qui font du trois règles. Ce sont des créations de courts-métrages selon trois contraintes sur les plans particuliers à utiliser, des effets de montage, des thématiques. Et il y a donc des comparaisons des différents films qui ont été tournés pendant la semaine. Donc, c'est aussi de l'exercice à contrainte qu'on peut considérer comme étant oulipien. Ouais. Et aujourd'hui, et puis on termine là-dessus, Richard Boivin, que devient l'Oulipo? L'Oulipo est très vivante encore. En fait, le groupe d'auteurs parisiens est très actif, se rencontre à tous les mois. Et on peut d'ailleurs assister aux conférences qui sont données. Ce sont des lectures publiques. Il suffit d'aller sur la page Facebook Oulipo pour avoir les liens ou directement sur leur lien oulipo.net. Il y a donc une équipe de 7 ou 8 lecteurs qui vont lire des textes autour d'un thème particulier. De ce temps-ci, c'est autour des planètes. C'est extrêmement intéressant. Et c'est toujours aussi très drôle, sinon intéressant. Et c'est Hervé Letellier qui va animer. C'est lui le président de la section parisienne actuelle depuis plusieurs années. Et lui, il vient juste d'arriver dans l'actualité présentement parce qu'il vient de remporter le prix Goncourt avec son roman « L'anomalie », qui est absolument formidable. Richard Boivin, merci pour ce petit mais fascinant tour d'horizon de cet univers oulipien. Je rappelle que vous avez été professeur de littérature, de bande dessinée, de cinéma pendant une trentaine d'années au cégep de Chicoutimi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Et si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.